Bonjour. Alors, jusqu'à présent, vous avez entendu des choses extrêmement sérieuses. Maintenant, les Archives nationales sont heureuses de vous offrir une séquence récréative. J'en suis même un peu désolé, j'ai l'impression qu'on va parler de choses extrêmement futiles après tout ce qu'on a entendu. L'idée, c'est, enfin, ce qu'on nous a demandé, c'était de parler de la valorisation des archives. On a parlé, hein, du traitement, de l'entrée des archives. Une fois qu'elles sont aux archives nationales, bien sûr, outre les communications, tout type de communication, il y a aussi la valorisation qui peut passer par différents biais, hein, les journées d'études, des conférences grand public, hein, que ce soit aux journées du patrimoine, les journées de l'histoire à Blois, le festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau, enfin, il y a des quantités de possibilités, ou des ateliers, ou bien sûr les expositions. Alors, les expositions, hein, une exposition, c'est un exercice qui n'est pas très facile. L'idée, c'est de traiter un sujet dans un cadre défini de manière à, comment dire, intelligible et, si possible, agréable pour un grand public, parce que c'est quand même ça. Il faut quand même essayer de faire passer un certain nombre de messages ou d'idées de manière agréable, puisqu'il s'agit quand même d'exposition. L'intérêt aussi de l'exposition, c'est que l'on peut mobiliser des fonds extrêmement divers, les rassembler pour traiter un sujet. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement motivant, que ce soit pour le ou les commissaires, mais aussi pour l'ensemble des collègues qu'on sollicite, collègues des Archives nationales, responsables de fonds, qu'on sollicite pour aborder un sujet et qui vont vous suggérer différentes possibilités. Alors voilà, on va parler à deux voix. On va parler d'abord d'une exposition passée, des voyageurs à l'épreuve du terrain, c'était en 2016. Et je vous l'aurais bien fait passer, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, donc ça va être un peu. Enfin voilà, si vous voulez le voir, hein, on pourra le regarder tout à l'heure. Et puis Henri Pinotto. Donc, pardon, je ne me suis pas présenté, Pascal Révial, département éducation, culture, affaires sociales, et Henri Pinotto, conservateur du patrimoine au département aménagement du territoire, etc., etc. Comment ça s'appelle à table? Je m'y perds toujours. Environnement, aménagement du territoire et agriculture. Très bien. Voilà. Et donc, voilà, on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Et voilà. Donc, je vais prendre la parole, je garde la parole, excusez-moi, pour parler de cette exposition passée. Voilà, vous allez voir, c'est extrêmement récréatif, hein, encore une fois. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment on peut aborder le traitement d'une exposition. Et donc, là, l'idée, c'était comment dire, d'interroger un petit peu l'image que l'on peut se faire de l'exploration scientifique. On a évidemment, hein, très facilement, quand on parle d'exploration, on imagine toujours, hein, quelqu'un comme Indiana Jones qui est tout seul dans la jungle et qui fait des choses extraordinaires tout seul. Bien entendu, tout cela n'est pas bien raisonnable. C'est très généralement, au contraire, quelqu'un qui a toute une infrastructure derrière lui, des institutions, des financements, des équipes qui travaillent avec lui ou ils sont plusieurs, s'il y a plusieurs chercheurs, toute une équipe. Alors selon les époques, hein, si on remonte un peu loin, ce sont aussi des porteurs, des guides, des informateurs. On ne parle jamais assez des informateurs sur le terrain. On a toujours l'impression que les scientifiques découvrent tout comme ça en claquant des doigts. Bien sûr, ils ont toujours recours à des informateurs, il y a toute une préparation. Et c'est ce qu'on va tout de suite aborder. Donc en fait, cette exposition, elle était en trois temps, à la préparation, le terrain et puis l'exploitation des résultats. Donc nous voici, j'essaye de, voilà, donc à l'entrée de l'exposition. Des voyageurs à l'épreuve du terrain avec donc une présentation tout d'abord des grandes institutions qui participaient et qui participent toujours à ces explorations scientifiques. Donc il peut s'agir du CNRS, hein, bien sûr, le CNRS qui était une des grandes institutions majeures du XXe siècle et qui continue aujourd'hui. Donc, créé en 1939, réformé en 1944, comme on le voit avec ce document, et qui, bien sûr, perdure dans ses activités. On pourrait évoquer bien d'autres institutions scientifiques. Bon, là, la difficulté, c'est qu'il fallait sélectionner un petit nombre de documents pour ne pas noyer le public. Et puis, bon, il faut dire que les moyens aussi étaient assez limités, donc il fallait vraiment une sévère sélection. Pardon, voici une autre évocation d'une autre institution. Donc là aussi, hein, c'est toujours essayer de l'aborder de manière un peu pittoresque, attractive pour le public. Donc là, c'est le Muséum national d'histoire naturelle avec cet étonnant projet de bâtiment pour les animaux féroces. Sinon... Voilà, il y a plusieurs institutions qui sont évoquées dans cette exposition. On parle aussi de la préparation de ces expéditions, avec notamment le prêt de matériel. C'est le cas ici avec ces objets magnifiques, très aimablement prêtés par le Conservatoire national des arts et métiers. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas au XIXe siècle, quand ces expéditions partaient au bout du monde. C'était déjà le CNAM, le Muséum d'histoire naturelle, qui prêtait le matériel, ou la marine, bien sûr. Et donc, c'était quelque chose qu'il fallait évoquer. Autre matériel indispensable, bien sûr, les malles de voyage, avec tout ce que ça comporte. Là, c'est un des objets assez évocateur, prêté par le Muséum national d'histoire naturelle. Alors, je ne remercierai jamais assez le muséum pour toute l'aide qu'il a pu m'apporter dans cette exposition. Et donc, ça, évidemment, c'était quelque chose qui était très évocateur pour le public. Alors, nous voici sur le terrain maintenant, avec l'idée, là aussi, c'était de balayer très rapidement hein, différents types d'activités scientifiques. Donc ici, par exemple, les recherches histoire naturelle, avec, vous apercevez au fond, contre le mur, bon, malheureusement, vous ne le voyez pas très bien, un très joli aquarelle d'oiseaux observés en Bolivie par Alcide d'Orbigny, un grand naturaliste du muséum. Et voilà, c'était l'idée de montrer ainsi comment les voyageurs travaillaient sur le terrain, collectaient avec l'aide de personnes rencontrées sur place. Hein, c'est le cas, encore une fois, pour ces oiseaux. En fait, on a toujours l'idée que... on s'imagine qu'Alcide d'Orbigny observait tout ceci tout seul. Bien sûr, il rencontrait des gens qui l'engageaient au fur et à mesure pour travailler avec lui. Un autre exemple, là, je suis désolé, on n'est pas beaucoup dans les archives, on est beaucoup dans les objets, mais enfin, c'était quand même très, très évocateur pour l'exposition, même si tout ceci ça s'appuie bien sûr sur des archives. Donc là, quelques objets prêtés par le musée du Quai Branly pour évoquer un autre aspect de la recherche sur le terrain, de la recherche archéologique, en l'occurrence avec cette mission scientifique menée au Pérou en 1876-77, donc avec des milliers de pièces archéologiques qui ont été rapportées et qui ont contribué à la création du musée d'ethnographie du Trocadéro, et milliers de pièces qui ont contribué, bien sûr, à la meilleure compréhension des cultures précolombiennes du Pérou. Et on le voit avec, à gauche, ce joli petit vase représentant un singe hein, de la culture Mochica, de la côte nord du Pérou. Et puis, à droite, et c'est là où le bas blesse, c'est bien sûr une contrefaçon, un objet rapporté naïvement par notre explorateur qui a donné tout ça au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et bien sûr, c'est longtemps après qu'on s'est aperçu que c'était un faux. Mais bon, c'est aussi l'histoire de la recherche telle qu'elle s'est déroulée. On avance progressivement et c'est seulement avec le recul du temps qu'on s'aperçoit des erreurs ou des tromperies. Un fonds qui était très, très intéressant à exploiter, c'était le fonds de Françoise Héritier qui venait tout juste de donner ses archives. Et donc là, j'ai utilisé cette photographie que je trouve très, très évocatrice, très émouvante, qui en fait illustre le tout premier terrain de Françoise Héritier. En 1958, au Burkina Faso, et donc ses premières enquêtes qui vont orienter tout son travail anthropologique durant sa carrière à venir. Alors, voilà, pour vous montrer un petit peu comment se présente une salle d'exposition en cours de montage, c'est certes un petit peu le bazar, mais en fait c'est un bazar très organisé, très méthodique. Ceci, donc, vous apercevez un écran qui servait bien sûr aux projections qu'on pouvait voir des deux côtés, en fait. Et donc, avec ces vues, ces photographies tirées d'une part de la mission du commandant Marchand, qui, vous le savez peut-être, terminée un peu piteusement à Fashoda. Et puis, un autre diaporama qui était constitué de photographies de la mission Dakar-Djibouti. Ce sont des photographies qui avaient été très gentiment mises à disposition par la bibliothèque René Ginouvès de l'Université de Nanterre. Et donc, c'était pour montrer aussi que, bien sûr, beaucoup de ces expéditions se sont réalisées dans un contexte colonial. Et ça, il fallait aussi bien insister là-dessus, que c'était quelque chose qui était évidemment très présent dans la recherche scientifique du 19e et jusqu'au milieu du 20e siècle. Un autre volet de cette, toujours nous sommes sur le terrain, et donc c'était l'idée de montrer que l'exploration, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement lointain, et d'où cette magnifique photographie de Paul-Émile Victor au pôle, mise à disposition par le Muséum d'Histoire Naturelle. Et on avait aussi un certain nombre de documents provenant des missions polaires françaises que j'ai pu utiliser. Et puis, c'est donc le très loin, le très, très lointain, mais aussi le très proche, avec des enquêtes menées en France, en particulier par le Musée national des arts et traditions populaires, archives qui sont entrées chez nous en 2013. Avec certains collègues que j'aperçois de la mission archives du ministère de la Culture qui avaient fait un beau travail de collecte pour ces archives et que donc j'ai pu utiliser. On voit ici ce qu'on apercevait là un peu devant la photographie. En fait, c'est une très étonnante mallette d'un enquêteur, quelqu'un qui travaillait pour un jeune architecte qui travaillait pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, pour le musée des arts et traditions populaires et qui a mené une enquête sur l'architecture rurale. Et puis enfin, un autre aspect du voyage, c'est les épreuves. Certes, les aspects très difficiles du voyage, mais aussi la partie un peu fantasmée, hein, c'est ce qu'on aperçoit avec cette gravure qui est à gauche, hein, qui est tirée d'une revue de vulgarisation pour la jeunesse qui montre les périls du voyage et puis bien sûr le rôle héroïque de l'explorateur. Mais aussi les aspects très pratiques hein, comme cette photographie tirée justement des archives des missions polaires françaises qui montre les aspects très très pratiques du travail sur le terrain. C'est aussi le ravitaillement, c'est comment on a besoin de toute une logistique pour mener à bien ces travaux. Et puis enfin, l'exploitation des résultats, donc avec l'entrée des collections, l'arrivée des objets, des spécimens qui alimentent les musées, qui alimentent la recherche. Et donc avec quelques exemples, au premier plan, vous voyez un étonnant petit carnet qui provient des archives du Louvre, du département des antiquités grecques, étrusque et romaine, qui à l'époque au 19e siècle supervisait, enfin le département des Antiques supervisait le musée américain, un musée précolombien qui était au Louvre. Et donc, on a ce carnet très étonnant, d'ailleurs, qui a été réalisé par un artiste peintre qui s'appelait Édouard Pingret, qui va faire l'objet d'une autre exposition sur laquelle je vais travailler avec le musée, le Walters Museum à Baltimore. Et enfin, donc cette très jolie mise en scène de l'exposition avec la bibliothèque du voyageur qui était l'occasion de montrer un certain nombre de documents qui ont été réalisés après coup avec ces magnifiques aquarelles d'un officier de marine, René Gilotin, prêté par le musée du Quai Branly. Cette très surprenante photographie coloriée prise au Japon et qui en fait a été le prétexte pour montrer tout le recul qu'il faut prendre avec ces documents d'archives et montrer l'adaptation que font les enquêtés auprès des enquêteurs. En fait, cette photographie, ce n'est pas du tout, bien sûr, un explorateur qui l'aurait prise. Ce sont bien sûr des photographies d'ateliers réalisées dans des ateliers japonais qui avaient très vite compris la fascination que les Occidentaux avaient pour ce genre de documents. Et donc, ils les faisaient en série. Ils faisaient les photographies avec les costumes typiques, les petits métiers. Et en plus, qui étaient pour attirer l'œil, qui étaient coloriés, peints à la main. Et donc, ça fait partie des documents qui sont dans les archives du service des missions scientifiques de l'instruction publique et qu'il faut c'était l'occasion de montrer le recul qu'il faut prendre avec les archives. Là aussi l'intérêt de montrer le travail qui est fait sur les cartes avec cette très surprenante carte à droite là, une carte réalisée après le voyage de Dumont-Durville et qui est en fait le résultat non seulement des travaux faits par l'expédition elle-même, mais aussi une collecte plus générale de toutes les informations, puisqu'on fait référence notamment à un navigateur nord-américain qui venait de faire lui aussi une expédition dans le Pacifique. Et en fait, on voit bien comment ces informations sont collectées pour réaliser ces cartes. Les fameux carnets de terrain, plus ou moins difficiles à lire, mais qui sont vraiment aussi l'apanage du voyageur. Encore aujourd'hui, le carnet de terrain, c'est la base. Et puis enfin, en guise de conclusion, montrer comment aussi l'explorateur construit lui-même sa propre légende. Donc avec à gauche, cette photographie de l'explorateur Arthur Thouars qui se fait photographier dans un atelier en Bolivie. Et photographie qui, bien sûr, sert ensuite pour la gravure qui va illustrer son récit de voyage. En fait, tout cela est, bien sûr, complètement fabriqué. Et c'est ce qui permet d'alimenter la gloire de l'explorateur. Et je passe la parole à Henri Pinotto. Merci, Pascal. Alors, on va changer totalement de sujet, encore que. On va parler d'international à nouveau et d'animaux féroces. Avec la très belle collecte des archives de la Bergerie nationale de Rambouillet, faite en 2016. Alors, on va faire un peu d'histoire institutionnelle agricole. La Bergerie nationale de Rambouillet, qu'est-ce que c'est ? C'est un établissement tout à fait singulier, né de la volonté de Louis XVI après son achat du domaine de Rambouillet en 1783 à son cousin, le duc de Penthièvre. C'est un coin où Louis XVI adorait chasser, et après des années de supplications, le duc de Penthièvre a accepté de vendre son domaine pour que le roi s'y installe. Très vite, il monte dans les terrains avoisinant le château une ferme modèle, ce qu'on appelle un établissement rural, qu'il confie à des agronomes réputés du temps, comme l'abbé Tessier, pour faire des expérimentations agronomique et notamment de culture de céréales et de c'est une entreprise d'encouragement à l'agriculture de façon générale avec des terrains mis à disposition des savants du temps dans l'esprit des Lumières, de la physiocratie, etc. Quelques années après, en 1786, arrive un troupeau de mérinos. Alors il faut revenir un peu en arrière pour comprendre l'impact et l'intérêt de cette décision. La France, à cette époque-là, à des moutons dont la laine est de très mauvaise qualité, enfin une laine très grossière, et donc est incapable de fabriquer des draps de luxe. Elle est obligée d'importer la laine de qualité de l'étranger, notamment de l'Espagne, puisque l'Espagne est, avec son fameux mérinos, la nation qui est capable de produire les draps de meilleure qualité au monde de l'époque. Mais pour nous, Français, ça veut dire une balance déficitaire en la matière, avec des millions de livres dépensés chaque année dans l'achat de ces matières premières à l'étranger. Et le but, c'est donc de s'affranchir au bout d'un moment de cette domination espagnole pour avoir nos propres laines françaises de qualité et ainsi battre la monarchie espagnole sur son terrain. Alors, pour cela, il faut importer des mérinos en France, sur lesquels l'Espagne impose un embargo depuis quasiment toujours. Et donc, le roi de France missionne son ambassadeur, Vergène, Vergène c'était le ministre, Lavaux-Guyon à Madrid, pour demander des mérinos au roi d'Espagne, ce que le roi refuse absolument. Et du coup, Louis XVI intervient personnellement pour demander à son cousin Charles III de lui donner enfin des mérinos. Et Charles III accepte, et c'est le début de la fin pour l'Espagne, puisqu'il est mis à disposition du roi de France quelques 380 mérinos qui vont franchir les Pyrénées et arriver au bout d'un voyage de 4 mois jusqu'à Rambouillet, où ils vont être implantés et où ils n'ont pas bougé depuis. Nous avons donc depuis ce troupeau qui est appelé à se régénérer, à se multiplier, et dont le produit est appelé à être vendu ou donné à des cultivateurs, des éleveurs français, pour qu'ils les croisent avec leurs propres troupeaux et ainsi améliorent la qualité de leur race lainière dans tout le royaume. Cette entreprise, donc née en 1786, n'est pas interrompue avec la Révolution. Le mérinos est soigneusement conservé, malgré des avatars politiques que je ne vais pas détailler ici. Mais on a donc ce troupeau qui perdure jusqu'à nos jours. Il faut aller à Rambouillet pour le voir. C'est un troupeau qui n'a jamais été croisé d'aucune sorte, par aucune goutte de sang extérieur depuis 1786. Donc c'est tout à fait remarquable du point de vue génétique. Aujourd'hui, on a des chercheurs qui travaillent dessus pour comprendre comment on a fait, pourquoi ils n'ont pas cinq pattes aujourd'hui. Mais c'est très très étonnant comme système. Et donc autour de ce troupeau se greffe l'idée qu'il faut évidemment améliorer les races françaises, améliorer la diffusion de cette race pour que les laines françaises soient enfin compétitives. Et donc la bergerie nationale qui gère ce troupeau va développer toute cette fonction, vendre chaque année aux enchères, puis de gré à gré, des mérinos de façon annuelle, de façon très réglée, on a tous les procès-verbaux, pour diffuser le mérinos dans toute la France. Et c'est une entreprise que notamment Napoléon va développer jusqu'au bout du raisonnement. Voilà. Je ne vous dis pas tout maintenant, il faudra aller voir ce dont je vous parlerai ensuite. Et sur cette activité de conservation d'un troupeau se greffe aussi une activité d'enseignement, puisque dès 1794, on crée une école de bergers à Rambouillet pour que des jeunes envoyés par les préfectures de toute la France soient formés aux bonnes pratiques et sortent de cette espèce d'empirisme qui guidait les bergers jusque-là, et donc que la science ovine se diffuse dans les campagnes. À côté de ça, il faut aussi noter la diversification des missions de la bergerie nationale, et notamment au XXe siècle, l'introduction de l'insémination artificielle, qui est née en grande partie, pour la partie française en tout cas, à Rambouillet, avec les bovins et les ovins. Alors, la collecte de ces archives s'est faite en 2016, après un audit mené par le bureau des missions. Nous avons eu droit donc à une vacation pour aider au récollement de ces archives avant leur versement, et ainsi arriver à quelque chose de satisfaisant à Pierrefitte. Nous avons collecté à peu près 70 mètres linéaires de la Révolution jusqu'aux années 50, puisqu'il y a quelques bribes encore par la suite, mais le reste des archives est encore sur place. L'état général était correct, ce qui était une très bonne surprise, à l'exception de quelques registres. Alors, on a traité depuis lors un matériau archivistique extrêmement composite, parce qu'à part les papiers, on a aussi des registres, mais également des photos, un très abondant matériau photographique. sur support souple, sur support cartonné, sur plaque de verre. Nous avons des cartes et plans, nous avons des aquarelles, nous avons des objets, nous avons de la 3D, des statues, bref, des outils. Et nous avons, voilà, en voilà quelques exemples, donc des objets qui vont nous parler de ce qui se fait à Rambouillet et de la science qui est développée derrière. Nous avons enfin cette espèce de clou du spectacle, qui sont ces tableaux d'échantillons de laine monumentaux, montés à partir du milieu du XIXe siècle, avec un échantillon de laine par année, depuis 1786 jusque dans les années 1990. Donc on a cinq tableaux comme ça, d'un mètre sur 80 cm, tout à fait spectaculaire, qui illustre la vocation de Rambouillet dans le temps. Et ce sera évidemment le clou du spectacle de l'exposition dont je vais vous parler ensuite. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que ces archives vont à la rencontre d'un creux historiographique total, puisque aujourd'hui l'histoire de l'élevage ne se fait qu'au prisme de la vache, qui est un peu considérée comme l'animal noble. Bon, ça a l'air anecdotique comme ça, mais l'histoire de l'élevage ne parle jamais du mouton, alors qu'il a eu de vraies incidences sur cette branche de la ruralité. Donc, voilà, alors, un mérinos de Rambouillet, c'est ça. On a très vite eu l'idée d'une exposition aux Archives nationales et donc d'une valorisation d'ampleur de ce fonds à travers une exposition d'ampleur, mais aussi une série de conférences. La première a eu lieu en juin sur cette estrade, dans le cadre du cycle de conférences Trésors du patrimoine écrit, qui a très bien fonctionné puisqu'elle a ramené du public très divers, à la fois des curieux, mais aussi des professionnels de l'élevage ovin, des personnes de la manufacture des Gobelins qui étaient très intéressées par l'histoire de la laine. Voilà, c'était passionnant d'échanger là-dessus. Et donc on a ce projet d'exposition qui se monte de plus en plus sérieusement, qui s'intitulera La guerre de moutons, ça y est, c'est officiel, et qui aura lieu dans 2 ans sur le site de Paris des Archives nationales. Le but pour nous, ce sera de croiser des approches très complémentaires, à la fois d'historiens de la ruralité, d'historiens de l'économie, mais aussi de vétérinaires ou de biotechniciens, d'historiens des sciences, pour renouveler un peu ce sujet qui est loin d'être anodin, mais qui n'a jamais été traité de la sorte. Et donc pour nous, ça veut dire très concrètement travailler avec des publics ou des scientifiques qu'on n'a pas du tout l'habitude de fréquenter jusqu'ici aux Archives nationales, d'autant que l'histoire de l'agriculture en général se fait sans les Archives nationales. Et c'est aussi tout le défi de ce genre de collecte, puis de ce genre de valorisation, que de drainer un nouveau public et de drainer de nouveaux chercheurs vers nos fonds. Et nous espérons évidemment conclure tout cela par un colloque interdisciplinaire. Je vous le disais, il n'y a pas que l'aspect historique dans cette manifestation, mais on peut vraiment varier les approches et travailler avec des partenaires très diversifiés, à l'international bien sûr, puisque c'est une histoire internationale, avec l'Espagne, avec l'hémisphère sud et notamment l'Australie, et puis travailler avec AgroParisTech ou avec l'INRA ou avec les écoles vétérinaires et tout ce genre d'instituts qui ont les professionnels à même de comprendre et de faire parler de ces archives. Voilà, donc voilà, un petit clin d'œil. Voilà, pour vous présenter voilà, comment on arrive à faire parler un fonds, comment on veut le valoriser et comment on veut autour créer une nouvelle communauté scientifique et de nouveaux échanges scientifiques à partir de ce qui peut paraître totalement anecdotique. Je vous remercie.